toujours ce même rêve qui jamais ne s'achève, ne me laissant aucune trêve. Je cours après ce train, il n'y a plus de lendemain si ton corps n'est plus près du mien. Reviens-moi, je voudrais te le dire. T'en vas pas comme ça, les mots refusent de sortir. Mes lèvres sont scellées, je ne peux plus parler, trouver les mots qui nous enchaînent. Tu parais reculer tout doucement, t'éloigner comme un vieux film qu'on rembobine. Reste là, je voudrais le crier. Me laisse pas comme ça avec mes larmes glacées. Je voudrais me débattre, mes bras sont figés. Je voudrais courir, je suis paralysée. Je voudrais hurler, je suis muette. Je voudrais revenir à la lumière. Et puis je me réveille à tes encore. J'ai rêvé que tu partais, alors je murmure à ton oreille à quel point je t'aime. Je sais, c'est con, tu m'entends. Tant pis pour mes rêves, tant pis.